بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 14 dans la lecture du livre de l'imam, le cheikh Abdurrahman ibn Nasirin al-Sa'di, rahimahullah. Son livre intitulé « Fathur Rahim il-Malik il-Allam ». Et nous nous étions arrêtés au chapitre dans lequel le cheikh va parler de trois noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Al-Shahid, Al-Muhayminu, Al-Muhitu. Le cheikh donc il dit Al-Shahid, Al-Muhayminu, Al-Muhit, que j'ai traduit par le témoin suprême, le prédominant, et pour Al-Muhit, celui qui cerne toute chose, celui qui cerne toute chose. Al-Shahid, le témoin suprême. Al-Muhaymin, le prédominant. Al-Muhit, celui qui cerne toute chose. Le cheikh nous dit ensuite Ay al-muttali'u ala jami' al-ashya, c'est-à-dire celui qui connaît toute chose. Alladhi ahata 'ilmuhu bidh-dhawahir wal-bawatin wal-khafiyyat wal-jaliyyat wal-madiyat wal-mustaqbalat. Celui dont la science cerne tout ce qui est apparent ou caché, subtil ou évident, passé ou futur. Wa sami'a jami' al-aswat khafiyyaha wal-jaliyyat. Celui qui entend tous les sons perceptibles et imperceptibles. Wa absara jami' al-mawjoudat دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها. Celui qui voit tout ce qui existe, que ce soit une chose discrète ou manifeste, petite ou grande. وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات. Sa science, sa puissance et son pouvoir, ainsi que le fait qu'il soit le premier et le dernier, l'apparent et le caché, font qu'il cerne toute chose existante. Et ici, j'attire l'attention sur le fait que dans la traduction des éditions Ibn Badis, il y a eu une erreur donc de traduction du fait qu'ils n'ont pas considéré les mots du shir awaliyatuhu wa akhiriyatuhu wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu. Ces quatre mots, ils ne les ont pas considérés comme étant une allusion aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont pensé que c'était des attributs de ce qu'il sait, car ils ont dit son savoir, son pouvoir et son autorité embrasse et englobe toutes les choses, antérieures et postérieures, visibles et invisibles. Donc, ils ont pensé que ces quatre mots, Al-Awwaliyya, le fait d'être premier, Wa-Akhiriyya, le fait d'être le dernier, Wa-Zahiriyya, le fait d'être apparent, Wa-Batiniyya, le fait d'être caché, ils ont pensé que c'était des qualificatifs des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait. Donc ils ont dit, englobe toutes les choses antérieures et postérieures, visibles et invisibles. Alors qu'en fait, ici le shir, il nous explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est le premier et le dernier, du fait qu'il est l'apparent et le caché, donc il cerne toutes choses. Il cerne toutes choses. Donc, la traduction correcte de cette phrase est plutôt, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, sa science, sa puissance et son pouvoir, ainsi que le fait qu'il soit le premier et le dernier, l'apparent et le caché, font qu'il cerne toute chose existante. Puis le shir dit, فَلَا يَحْجُبُهُ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا يَحْجُبُهُ عَنْ خَلْقِهِ ظَاهِرٌ عَنْ بَاطِنٍ وَلَا كَبِيرٌ عَنْ صَغِيرٍ وَلَا قَرِيبٌ عَنْ بَعِيدٍ. Ce qui est apparent de ces créatures ne l'empêche pas de voir ce qui est caché. Ce qui est grand ne lui cache pas ce qui est petit. Et ce qui est proche ne lui masque pas ce qui est loin ou ce qui est lointain. وَلَا يَخْفَى عَلَى عِلْمِهِ شَيْءٌ وَلَا يَشُذُّ عَنْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ شَيْءٌ وَلَا يَنْفَلِتُ عَنْ قُدْرَتِهِ وَعِزَّتِهِ شَيْءٌ وَلَا يَتَعَاصَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ. Ensuite, le shir, il dit, rien n'échappe à sa science. Rien n'échappe à sa science, à sa possession, à son pouvoir et à sa puissance. Rien ne lui résiste et rien ne lui est difficile. وَجَمِيعُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ قَدْ أَحْصَاهَا وَقَدْ عَلِمَ مِقْدَارَهَا وَمِقْدَارَ جَزَائِهَا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَسَيُجَازِيهِمْ بِمَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَحَمْدُهُ وَعَدْلُهُ وَرَحْمَتُهُ. Il a également enregistré tous les actes des créatures. Il en connaît la quantité, ainsi que la rétribution en bien ou en mal revenant à chacune d'elles. Il rétribuera donc les créatures selon ce qu'implique sa sagesse, sa grâce, sa justice et sa miséricorde. Puis le shir dit, والملوك والجبابرة والملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم فإن الله لهم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده وليس لهم خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. Quant au roi et au tyran, nous dit le shir, quant au roi et au tyran, même si leur autorité est imposante, leur royaume immense, leur tyrannie violente, et que leur injustice prend de l'ampleur, Allah les surveille de près. Il cerne leur situation, enregistre et observe tous leurs mouvements et leurs moments d'immobilité. Leurs poupées sont dans sa main. Et ils ne peuvent échapper à sa gestion des choses ni à sa volonté. Puis le shir cite un vers de poème qui dit « Aïn al-mafar wal-ilahu talibu wal-mujrimu al-maghloubu laysa al-ghalibu » qui veut dire à peu près « Où fuir alors que c'est le vrai Dieu qui le poursuit ? Donc certes, le criminel sera vaincu et n'a aucune chance de l'emporter. » Et pour terminer ce chapitre, le shir dit فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَ تَرْجِعُ pardon تَرْجِعُ إِلَى سَعَةِ عِلْمِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَى عَظَمَةِ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد وإجرائهم على أحكام القدر وأحكام الشرع وأحكام الجزاء والله أعلم. Il dit le shir donc, ces trois noms d'Allah sont là que sur lesquels le shirk, ou que le shirk est en train d'expliquer, ces trois noms d'Allah donc reviennent à la large étendue de sa science, car il cerne toutes choses, à l'immensité également de son royaume et son pouvoir. Aussi, ils reviennent à son témoignage de l'état de ses serviteurs, ainsi qu'à son témoignage sur leurs actes. Et ils reviennent également à la rétribution des actes du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à gérer les affaires des créatures et le seul à les soumettre au jugement de la prédestination, de la législation religieuse et de la rétribution. Et Allah est plus savant. Donc, dans ce chapitre, le shir explique que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont al-shahid, le témoin suprême, al-muhaymin, le prédominant, et al-muhit, celui qui cerne toutes choses, que ces trois noms reviennent à tout ce qu'il vient de citer, au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, que rien ne peut lui échapper, et au fait qu'Allah subhanahu et il revient également au fait que et montre l'immensité du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son pouvoir, tout comme il l'immensité de sa royauté, l'immensité de sa royauté et de son pouvoir, et également au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout ce que font les créatures. Il est témoin de leur état et de leurs actes, de leur situation et de leurs actes. Et il les rétribuera pour cela, en bien ou en mal. Et vu que dans ce cours, nous n'avons pris que pour l'instant que 15 minutes, même si je n'avais pas préparé le chapitre suivant, nous allons le lire, incha'Allah ta'ala, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en faciliter la traduction. Le shir, il dit ensuite, dans le chapitre suivant, « Al-Hamid ul-Majid », c'est-à-dire « Le digne de louange, le majestueux ». Al-Hamid, le digne de louange. Al-Majid, le majestueux. Le shir nous dit, concernant ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ey, alladhi lahu jami'u al-mahamidi wal-mada'ihi kulliha, wa hiya jami'u sifati al-kamali. فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها. Il nous dit donc le cheikh que, en explication de ces deux noms, le digne de louange et le majestueux, il nous dit, c'est-à-dire qu'il est celui à qui appartiennent toutes les louanges et toutes les éloges. Et ce sont tous ses attributs de perfection. Chacun de ses attributs, pour chacun de ses attributs, il est loué. Et il est loué pour les effets de ses attributs et ce à quoi elles sont et ce qui leur est rattaché. Il est loué pour les effets de ses attributs et à ce qui leur est rattaché. فَيُحْمَدُ عَلَى كُلِّ تَدْبِيرٍ دَبَّرَهُ وَيُدَبِّرُهُ فِي الْكَائِنَاتِ. Il est donc loué pour chaque chose qu'il gère dans cet univers. وَيُحْمَدُ عَلَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ. وَيُحْمَدُ عَلَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ وَأَحْكَمَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ. Il est également loué pour toutes les règles qu'il a légiférées et pour tous les jugements qu'il a établis. وَيُحْمَدُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَيُحْمَدُ عَلَى تَوْفِيقِهِ أَوْلِيَاءَهُ وَعَلَى خِذْلَانِهِ لِأَعْدَائِهِ. Il est également loué pour donner la réussite, pour avoir donné la réussite à ses alliés et pour humilier ses ennemis. كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين. De même qu'il est loué pour le fait de récompenser les gens obéissants et de châtier les désobéissants. وله الحمد على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يمكن العباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. Également, à lui la louange entière, à lui toute louange pour ceux dont il a gratifié ses serviteurs, ses créatures, comme bienfait, comme bonne chose et comme bénédiction que les serviteurs ne peuvent dénombrer et dont ils ne peuvent connaître l'étendue. فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي وله الحمد في الأولى والآخرة. Sa louange a donc rempli les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire les cieux et la terre. À lui la louange entière dans la première vie, tout comme dans la vie de l'au-delà. وقد عم حمده كلما يتقلب فيه العباد لكون ذلك راجعا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه ووضعه الأمور مواضعها. Il dit également le shir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa louange a englobé tous ceux dans quoi évoluent les créatures. Tous ceux dans quoi évoluent les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala mérite et est digne de louange dans cela, pour cela. Car tout ceci, le cheikh nous dit, car tout ceci revient à sa sagesse, à sa justice, à sa grâce et à sa bienfaisance, ainsi qu'au fait qu'il met les choses à leur place. وهو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه. Il est le digne de louange que ses prophètes, ses gens choisis et les meilleurs de ses créatures ne cessent de louer. وهو تعالى الحميد الذي يحمدهم. وهو تعالى الحميد الذي. Là, je pense qu'il y a eu une faute d'impression, ce qui fait que la phrase ne m'est pas claire. Donc, je me pencherai dessus, inshallah ta'ala, et je l'expliquerai au prochain cours, bi'idhnillah. Puis, après cela, le shir dit. وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها. Quant à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la grandeur de ses attributs. Elle revient à la grandeur et la largesse de ses attributs. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها. Le nom donc le majestueux revient à la grandeur de ses attributs, à leur nombre important. وإلى عظمة ملكه وسلطانه. Tout comme le nom le majestueux revient à la grandeur de sa royauté et de son pouvoir. وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. Et également le nom le majestueux revient au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique par et qu'il est le seul à avoir la perfection absolue, la magnificence absolue et la beauté absolue que les serviteurs ne peuvent cerner, dont les serviteurs ne peuvent rien cerner. C'est-à-dire que le shirk nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par son caractère majestueux, il a la perfection absolue, la magnificence absolue et la beauté absolue, et que les créatures ne peuvent percevoir l'étendue de sa perfection, peuvent percevoir et cerner l'étendue de sa perfection. Puis le cheikh termine ce chapitre en disant فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ صَارَ اسْمُ الْحَمِيدِ أَخَصُّ بِكَثْرَةِ الْأَوْصَافِ وَسَعَتِهَا وَاسْمُ الْمَجِيدِ أَخَصُّ بِعَظَمَتِهَا وَتَوَحُّدِهِ بِالْمَجْدِ. Il dit donc, lorsque ces deux noms sont réunis, Al-Hamid ou Al-Majid, lorsque ces deux noms sont réunis, le digne de louange et le majestueux, alors le nom Al-Hamid, le digne de louange, désignera plus spécifiquement le nombre important de ses attributs. Le nombre important de ses attributs et leur largesse, alors que le nom Al-Majid, le majestueux, désignera plus spécifiquement la grandeur de ses attributs et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit l'unique par la majesté. Et c'est ainsi que se termine donc le cours d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, bi'idhnillahi ta'ala, je me pencherai sur la phrase que je n'ai pu traduire afin d'en saisir pleinement le sens. Et je vous le citerai, je vous la traduirai bi'idhnillahi ta'ala au prochain cours. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين